Le quotidien coréen Rodong Sinmun a présenté le 9 l'éditorial sous le titre « Anticipant la victoire de l'édification d'une puissance socialiste » selon le projet avancé par le 7e congrès du Parti du Travail de Corée. L'éditorialiste écrit entre autres « Un an a passé depuis l'historique 7e congrès du Parti du Travail de Corée. Tous les Coréens ont livré vigoureusement la marche historique pour appliquer la résolution du 7e congrès du Parti. » Cette marche a montré clairement que notre parti, notre armée et notre peuple, monolithiquement unis autour du respecté dirigeant suprême Kim Jong-un, remporteront toujours la victoire et la gloire. Avec la grande fierté d'honorer le président du Parti du Travail de Corée, dirigeant éminent respecté de tout le monde, notre armée et notre peuple ont créé des événements et innovations étonnants selon le projet du congrès du parti, et par là, ont compris plus la vérité de la vie et de la lutte. Tous les membres du parti, les militaires de l'armée populaire et les civils doivent dynamiser davantage la marche générale pour l'application de la résolution du 7e congrès du Parti du Travail de Corée afin d'accélérer la victoire de l'édification d'une puissance socialiste.